بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة نتأمل اليوم في سورة العلق Aujourd'hui, on va méditer sur la sourate Al-Alaq, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est une sourate qui a été révélée durant quelle époque? Mécoise ou médinoise? Mécoise, comment c'est ça? Il y a Ijma'a. Hein? Aïwa. لأن هذه الآيات التي سنقرأها اليوم هي أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc ces versets qu'on va lire aujourd'hui sont les premiers versets qui ont été descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril est venu le voir, il lui a dit « Ikra, li, ma ana biqari. » Cheikh Ibn Uthaymin dit « Lam yamtani. » Il dit Cheikh Ibn Uthaymin que la parole du prophète quand il dit « Ma ana biqari. » Ce qu'on peut traduire en français, je ne récite pas. C'est pas qu'il refuse de réciter, mais c'est qu'il ne peut pas réciter. Et donc il fait attention, Cheikh Ibn Uthaymin, par rapport à cela, par rapport au ta'bir utilisé. C'est pas que le prophète il a refusé de réciter, c'est qu'il ne peut pas réciter. On a cité la sagesse en cela. Allah tabaraka wa ta'ala akhtara lana nabiyyan ummiyan. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a choisi un prophète. Il est très. Hatta la yartaba ahad. Afin que personne ne puisse douter de la véracité de ses propos. Comment a-t-il pris les informations qu'il nous a citées s'il ne sait pas lire? Tout cela ne vient que de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jal dit après le basmala, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur, celui qui a créé. خلق الإنسان من علق, qui a créé l'être humain d'une adhérence. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit à son prophète, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Récite par le nom de ton Seigneur qui a créé. Les savants ils disent حذفa المفعول. Celui qui a créé. Celui qui subit l'action a été enlevé. Il n'a pas été cité. Alors il nous dit, récite par le nom de ton Seigneur celui qui a crié. Celui qui a crié quoi? Ça n'a pas été cité. Pourquoi? حذف المفعول ليفيد العموم. Et donc, celui qui subit l'action n'a pas été cité pour montrer le caractère général. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء. Il a créé toute chose, tabaraka wa ta'ala, comme il le dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Wa hadha ayyuha al-ikhwa yastalzimu minna an la na'buda illa Allah. Et cela implique qu'on adore que Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Le premier verset qui a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que Allah est celui qui a créé toutes choses. Et celui qui a créé toutes choses, huwa al-mustahiqu lil-ibada. C'est lui qui mérite d'être adoré, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et les peuples d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. فالله تبارك وتعالى بين أنه خلق كل شيء ثم خص الإنسان بالذكر. Et donc Allah Ta'ala il a montré qu'il a créé toutes choses et ensuite il a montré qu'il a créé l'être humain de façon spécifique. خلق الإنسان من علق. Celui qui a créé, il a créé l'être humain d'une adhérence. وهذا فيه تشريف للإنسان. Il y a en cela le fait donc de valoriser et de distinguer l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِنِي آدَمْ » Certes, nous avons distingué l'enfant de Adam, la descendance de Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ Et nous les avons transportés sur terre et sur l'eau. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala les a élevés au-dessus de ces autres créatures. Il a distingué l'enfant de Adam. Mais est-ce que cela veut dire que celui-ci doit s'enorgueillir et se croire invincible? Subhanallah, Ifka, quand on médite sur la situation des gens actuellement, tellement ils sont là, ils sont développés, ils se croient tellement invincibles que tu vois des choses ajib, jidden. Tu vois à l'hôpital, un homme très malade, en train de tousser, il boite, il a sa canne avec lui, il a un appareil qui rentre dans son corps, tu sais pas quel produit on lui met dans son corps, il marche avec difficulté, je le vois, il va où comme ça, subhanallah, il marche, il va dehors, ma'alish, je suis là, je regarde mon téléphone, ensuite j'ai un appel, je me dis bon, je vais pas déranger les gens, je sors avec mon téléphone, et je vois le monsieur tout faible, celui qui était tout faible tout à l'heure avec sa machine, il est dehors en train de fumer, la haoula wa la quwata illa billah. Mais jusqu'à quand tu vas comprendre? Jusqu'à quand tu vas comprendre? Quelques jours avant, j'avais vu ça sur la route, ça m'avait étonné encore. Là, encore plus grave encore. À l'hôpital. Subhanallah, on se croit invincible. Les gens ne raisonnent pas. Il est important qu'on se remette en question. Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous a créés, nous a distingués au-dessus des autres, mais il faut qu'on raisonne. Il faut qu'on se rende compte que nous sommes faibles et que nous devons revenir et obéir à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wal maqsoudu bil 'alaq, et ce qui est voulu par l'adhérence, qit'atu dam, ghalidh, c'est un bout de sang qui est épais, ou ahmar, rouge. Voilà ce qui est voulu par cela. Et ici, on a une question. طيب لو جاءنا رجل يدخل المسجد يخرج من الكنيسة ويأتي عندنا un homme qui sort de l'église, il descend à pied, il vient ici. Il vient, il nous dit طيب أنا عندي إشكال, j'ai un problème. فإن الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر أنه خلق الإنسان من تراب. Allah il a cité qu'il a créé l'être humain de terre. ومرة أخرى ذكر إنه خلقه من طين. Et une autre fois, elle dit qu'il l'a créé à partir donc d'argile, la terre mélangée à de l'eau. ومرة أخرى صلصال كالفخار. Donc de l'argile sonnant. Donc c'est-à-dire c'est comme de l'argile mais qui est sec et lorsque tu tapes dessus ça fait un bruit, donc c'est creux, c'est comme de la poterie. وَمَرَّةً أُخْرَى ذَكَرَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Une autre fois, il cite qu'il a créé l'être humain à partir d'un liquide qui a été expulsé. طيب. Allez, ça fait quitter, بِكُمْ تَنَاكُدْ. Il n'y a pas de contradiction dans votre livre. Vous répondez quoi? تكون الإنسان. نعم. من بعد هذه المراحل تأتي الروح. هذه مراحل. أيوة. إذن المراد. Et donc la réponse. أيوة الإخوة ليس في كلام الله تبارك وتعالى أي تناقض. Il n'y a aucune contradiction dans la parole d'Allah تبارك وتعالى ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas de contradiction non plus dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى ذكر أصل خلقة الإنسان من أوجه مختلفة. Allah Ta'ala, il a cité la base de la création de l'être humain de plusieurs façons, car l'être humain est créé sur plusieurs étapes. Et à chaque fois, Allah Tabaraka wa Ta'ala va citer une étape. Une fois, il va citer une autre étape, ainsi de suite. فالله تبارك وتعالى خلق آدم وهو أصل البشرية خلقه من تراب. Et donc Allah Ta'ala, il a créé Adam, qui est la base de l'humanité, donc du genre humain. Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé Adam à partir de la terre. Thumma sabba alayhi ma'an. Ensuite Allah, il a déversé sur cette terre de l'eau. Fasara tinan. cette terre qui est devenue donc de l'argile. Thumma ba'da dhalika salsal kal fakhar, et ensuite après cela de l'argile sonnant comme de la poterie. Wa hadha huwa aslu khilqati Adam. Amma dhurriyyatuhu fa asluhum hadha al-ma' ad-dafiq. Tandis que la descendance de Adam, eux, ils ont été créés à partir de cette eau, donc à partir de ce liquide qui est donc expulsé. Et donc voilà, il n'y a aucune contradiction dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais simplement, nous devons apprendre. C'est important qu'on apprenne parce que les ennemis de l'islam, eux, se fatiguent. Yat'aboun. Ils se fatiguent pendant que certains passent, dorment, ils passent des nuits, mashallah, sous la couette à se reposer. Il y en a d'autres, ils sont dans un combat pour essayer de trouver des arguments contre l'islam. Hein? Ils ne dorment pas. Si vous voyez les livres qu'ils ont écrits, rien que pour essayer de combattre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que ces gens-là, ils font beaucoup d'efforts. Et donc nous aussi, il faut qu'on fasse des efforts pour apprendre notre religion, pour pouvoir répondre à ce genre d'ambiguïté. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Ikra wa rabbuka al-akram » Lis ton Seigneur le plus généreux. فالامر الاول بالقراءه مقرون بامر قدري. Et donc la première fois que Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de réciter Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, récite, lis par le nom de ton Seigneur celui qui a créé. Et donc cet ordre là, il était lié à un décret, donc un décret universel par rapport au destin, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala il a créé toute chose. Le deuxième ordre, il est lié à un décret, un sujet religieux. Wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Celui qui a enseigné par la plume. Fallahu tabaraka wa ta'ala 'allamana ma yanfa'una. Allah nous a enseigné ce qui nous est profitable. 'Allamana ma yushra'u lana. Il nous a enseigné ce qu'il nous est légiféré, wa ma yajibu alayna, et ce qui nous est obligatoire, wa ma yahrumu alayna, et ce qu'il nous est interdit. Wa lam yakun al-insan ya'lamu dhalik. Et l'être humain ne connaissait pas tout cela. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala il dit ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, et ton Seigneur le plus généreux, celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Ayyuh al-ikhwa, at-ta'limu bil-qalami muhimmun jiddan. Oh mes frères, l'enseignement par la plume, le fait d'écrire, c'est très très très important. As-sahaba khafu min diya' al-Qur'an. Les compagnons, ils ont eu peur de la disparition et de la perte du Coran. Ils ont rassemblé donc les parchemins éparpillés et l'ont écrit dans un seul mushaf. De la même façon, les savants, ils ont écrit les hadiths. Et l'imam Ahmed, qui mémorisait 1000 hadiths, il écrivait. Et aussi le Bukhari, Malik. Les ulama, ils écrivaient, les frères. Mais aujourd'hui, génération YouTube, on n'écrit pas. On est là, on attend, on assiste à un cours, on n'écrit pas en se disant, Inch'Allah, c'est pas grave, il y a At-tasjil. Il y a l'enregistrement. Si je veux chercher, après je vais chercher. Taïb, là, depuis qu'on a commencé, hein, ça fait donc un an et demi. Si on compte le nombre de cours, depuis qu'on a commencé il y a un an et demi, il y a un peu plus de 300 cours qui ont été enregistrés ici dans cette mosquée. T'as, maintenant, on va chercher. Je me rappelle, il avait un truc dans un cours. Je vais chercher. Allez, va chercher dans les 300 audios. Au final, tu vas pas chercher. Tu sais que tu vas pas chercher. Au final, tu vas prendre mon numéro, tu vas m'appeler. Et donc, voilà pourquoi c'est important d'écrire, les frères. C'est important d'écrire. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, أخرج في كتابه جامع العلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيد العلم بالكتاب. Et donc Ibn Abd al-Barr, il a cité dans son livre جامع العلم, il a cité donc selon Anas رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit: retenez la science par El-Kitab. Ce qui est voulu ici, c'est par l'écriture. Retenez la science par l'écriture. C'est important, les frères, qu'on écrive. Qu'on reste pas comme ça à un cours. Quand on va, subhanallah, les gens, ils vont à l'université. Ils veulent un diplôme. Une formation pour un travail. Tous, tu les vois avec un cahier, ils sont en train d'écrire. Hein? Parce qu'à la fin, ils savent, on veut le diplôme. À la fin, je veux le diplôme. Je veux travailler quand même. Taïb, pour la religion, non, abadan, je reste comme ça, Mali. Et donc, non, les frères, il faut qu'on écrive, il faut qu'on apprenne. C'est comme ça que tu vas mémoriser. Souvent, on se dit, j'en aurais pas besoin. Mais non, ça va rester, Inch'Allah. Taïb, non, ce sont des fawa'id qui partent après. Ça part. Et aussi, la science, elle est retenue, elle est mémorisée par la crainte, la piété. Et c'est pour cela que beaucoup de savants, ils disent « Man amila bima alima warrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam » Celui qui œuvre avec ce qu'il connaît, Allah lui accorde la science de ce qu'il ne connaît pas. Allah lui accorde la science de ce qu'il ne connaît pas. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue. Et il lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. On a vu, il y a plusieurs types de subsistance. La subsistance dont tu as besoin pour ton corps, l'argent, domicile, épouse, etc. On a la subsistance, donc celle qui t'est nécessaire pour cette dunya. Et la subsistance qui fait vivre ton cœur. El-ilmu, la science. Et donc tu veux de la science. Crée Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà donc pour aujourd'hui, Inch'Allah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا